Fatima Tae, je suis touché, mais je te pardonne. Fatima Tae, oh ma belle, oh ma belle. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer, doudou, c'est pas gentil, c'est pas gentil, vraiment fatigué. Ta façon d'aimer, chérie, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, t'es trop jaloux. Même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. C'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer, you, you, c'est pas gentil, c'est pas gentil, vraiment fatigué. Et même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Mama, hey. Fatimata, Fatimata, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fatimata, je suis déçu, fatigué. Fatimata, une fille comme elle. Fatimata, elle habite Yopougon. Fatimata, elle travaille au plateau. Fatimata, elle ne roule qu'en taximètre. Fatimata, elle m'a fait tourner la tête. Fatimata, à cause de sa beauté. Fatimata, elle a un corps pété pété. Fatima, elle a un corps sembe sembe. Fatima, non non non non non non non non non non non non non non non non. Fatima, elle s'habille comme un paon. Fatima, à la démarche des caméléons. Fatima, elle ne boit que le bandi. Fatima, le bandi de Yamoussoukro. Fatima, quand elle arrive à Dakar. Fatima, elle n'habite qu'aux Almadi. Fatima, ouais, pour me tourmenter. Fatima, voilà moi malade. Fatima, voilà moi traumatisé. Fatima, non non non non non non non non non non non non non non non non. Fatima, allô, je suis chez Camara. Ouais. Ah, ça fait longtemps. C'est Sam Mangwana qui vous téléphone de Kinshasa, au Zaïre. Est-ce que vous me recevez? Wallahi, c'est bon, ouais. Oui, je suis à Kinshasa. Ça vous m'issue, hein? Voilà la musique. Thank you. Fatimata, voilà, chérie Fatih, je compte en toi beaucoup.